wear a mean dark pair of shades. And you can't see my eyes unless my head is bent. You dig? Trop de mes potes s'évadent avec la drogue. La weed, ils se dégradent, font de la maille avec la drogue. Trop de mes potes s'évadent avec la drogue. La weed, ils se dégradent, font de la maille avec la drogue. Trop de mes potes tapent de la drogue, croient que c'est leur pote. Avec elle font les marioles. Trop de mes potes sont devenus potes avec le shit, la coke, la marron avec l'alcool. Et où l'époque où en cours on sniffait de la colle. Faut croire aujourd'hui que pour se taper des barres de fou, faut se taper des rails de poudre. Et les gens sont bons qu'à en vendre, sont bons qu'à en prendre pour se faire un peu d'argent et pour se détendre. Mais c'est source d'embrouille, à cause d'elle on se tape pour du bail qu'on doit rendre. On passe au prod pour quelques grammes qu'on avait dans la poche. Et les potes d'enfance tombés amoureux du vide, de la poudre qui glisse dans la gorge. Hey Pélo, t'es obligé de te shooter au sub pour tenir une journée de taf. Et cynique pour écrire un texte, obligé d'allumer un péco, c'est tiré de latte. Et cette pute nous rouge le cerveau. Je me suis déjà senti mal à cause d'elle. Je me suis déjà tapé à cause d'elle. Je suis déjà passé au proc à cause d'elle. J'ai tapé la coque et je regrette. Trop de mes potes s'évadent avec la drogue. La weed, ils se dégradent, font de la maille avec la drogue. Trop de mes potes s'évadent avec la drogue. La weed, ils se dégradent, font de la maille avec la drogue. Trop de mes potes s'évadent avec la drogue, avec l'alcool, avec des chattes, avec des embrouilles de merde qui se terminent à coup de batte. Le coup de patte du destin, on l'attend tous et on flirte avec l'illicite. Cette pute à la peau douce avec la drogue. Avec la drogue. Trop de mes potes se dégradent avec la drogue. Avec la drogue. Trop de mes potes s'évadent avec la drogue. Trop de mes potes donnent un style, enfin ils le croivent ça. Avec la drogue, ils font de la maille, mais pour combien de temps? La mort ou la prison? Le cercueil, les matons, les barreaux, la pierre tombale, l'overdose ou le peupon, c'est qu'un bouffe sous. Une source d'embrouille entre poteaux et tu deviens vite dépendant. Ouais putain tu deviens accro, elle te fait marrer. Ensuite elle te fait mal et mal au cerveau. Tu deviens une loque putain, elle t'a canné. Tu fais que de planer, gueuler tes envies de shit. T'en veux toujours plus, la putain de sa mère elle t'a cramé. Ok. Trop de mes potes s'évadent avec la drogue. La weed, ils se dégradent, font de la maille avec la drogue. Trop de mes potes s'évadent avec la drogue. La weed, ils se dégradent, font de la maille avec la drogue.